Section 14 de Les Anciens Canadiens. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé. Chapitre 14e. Les plaines d'Abraham. Il est des occasions dans la guerre où le plus brave doit fuir. Cervantes. Vae victis, dit la sagesse des nations, malheur aux vaincus. Non seulement à cause des désastres, conséquence naturelle d'une défaite, mais aussi parce que les vaincus ont toujours tort. Ils souffrent matériellement, ils souffrent dans leur amour-propre blessé, ils souffrent dans leur réputation comme soldats. Qu'ils aient combattu 1 contre 10, 1 contre 20, qu'ils aient fait des prodiges de valeur, ce sont toujours des vaincus. À peine trouvent-ils grâce chez leurs compatriotes. L'histoire ne consigne que leurs défaites. Ils recueillent bien par-ci par-là quelques louanges des écrivains de leur nation, mais ces louanges sont presque toujours mêlées de reproches. On livre une nouvelle bataille, la plume et le compas à la main. On enseigne aux mânes des généraux dont les corps reposent sur les champs de carnage vaillamment défendus ce qu'ils auraient dû faire pour être au nombre des vivants. On démontre victorieusement, assis dans un fauteuil bien bourré, par quelle savante manœuvre les vaincus seraient sortis triomphants de la lutte. On leur reproche avec amertume les conséquences de leur défaite. Ils mériteraient pourtant d'être traités avec plus de générosité. Un grand capitaine qui a égalé de nos jours Alexandre et César n'a-t-il pas dit « Quel est celui qui n'a jamais commis de faute à la guerre ?» Vae victis. Le 13 septembre 1759, jour néfaste dans les annales de la France, l'armée anglaise, commandée par le général Wolfe, après avoir trompé la vigilance des sentinelles françaises et surpris les avant-postes pendant une nuit sombre, était rangée en bataille le matin sur les plaines d'Abraham où elle avait commencé à se retrancher. Le général Montcalm, emporté par son courage chevaleresque, ou jugeant peut-être aussi qu'il était urgent d'interrompre des travaux dont les conséquences pouvaient devenir funestes, attaqua les Anglais avec une portion seulement de ses troupes et fut vaincu, comme il devait l'être, avec des forces si disproportionnées à celles de l'ennemi. Les deux généraux scellèrent de leur sang cette bataille mémorable. Wolfe, en dotant l'Angleterre d'une colonie presque aussi vaste que la moitié de l'Europe, Montcalm, en faisant perdre à la France une immense contrée que son roi et ses imprévoyants ministres appréciaient d'ailleurs fort peu. Malheur aux vaincus. Si le marquis de Montcalm eût remporté la victoire sur l'armée anglaise, on l'aurait élevé jusqu'aux nues, au lieu de lui reprocher de n'avoir pas attendu les renforts qu'il devait recevoir de M. de Vaudreuil et du colonel de Bougainville. On aurait admiré sa tactique d'avoir attaqué brusquement l'ennemi avant qu'il eût eu le temps de se reconnaître, et d'avoir profité des accidents de terrain pour se retrancher dans des positions inexpugnables. On aurait dit que 100 hommes à l'abri de retranchements en valent 1000 à découvert. On n'aurait point attribué au général Montcalm des motifs de basse jalousie, indignes d'une grande âme. Les lauriers brillants qu'il avait tant de fois cueillis sur de glorieux champs de bataille l'auraient mis à couvert de tels soupçons. Vae victis. La cité de Québec, après la funeste bataille du 13 septembre, n'était plus qu'un monceau de ruines. Les fortifications n'étaient pas même à l'abri d'un coup de main, car une partie des remparts s'écroulait. Les magasins étaient épuisés de munitions, les artilleurs, plutôt pour cacher leur détresse que pour nuire à l'ennemi, ne tiraient qu'un coup de canon à longs intervalles contre les batteries formidables des Anglais. Il n'y avait plus de vivres. Et l'on a cependant accusé de pusillanimité la brave garnison qui avait tant souffert et qui s'était défendue si vaillamment. Si le gouverneur, nouveau Nostradamus, eût su que le chevalier de Lévis était à portée de secourir la ville, et qu'au lieu de capituler, il eût attendu l'arrivée des troupes françaises, il est encore certain que loin d'accuser la garnison de pusillanimité, on eût élevé son courage jusqu'au ciel. Certes, la garnison s'est montrée bien lâche, en livrant une ville qu'elle savait ne pouvoir défendre. Elle devait, confiante en l'humanité de l'ennemi qui avait promené le fer et le feu dans les paisibles campagnes, faire fi de la vie des citadins, de l'honneur de leurs femmes et de leurs filles, exposées à toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut. Elle a été bien lâche, cette pauvre garnison. Malheur aux vaincus. Les Anglais, après la capitulation, ne négligèrent rien de ce qui pouvait assurer la conquête d'une place aussi importante que la capitale de la Nouvelle-France. Les murs furent relevés, de nouvelles fortifications ajoutées aux premières et le tout armé d'une artillerie formidable. Ils pouvaient devenir assiégés d'assiégeants qu'ils étaient l'année précédente. Leurs prévisions étaient justes, car le général de Lévis reprenait le printemps suivant l'offensive avec une armée de 8000 hommes, tant de troupes régulières que de miliciens canadiens. Cependant, l'armée anglaise, fière de la victoire qu'elle avait remportée 7 mois auparavant, était encore rangée en bataille, dès 8 heures du matin, le 28 avril 1760, sur les mêmes plaines où elle avait combattu avec tant de succès. Le général Murray, qui commandait cette armée forte de 6000 hommes et soutenue par 22 bouches à feu, occupait les positions les plus avantageuses lorsque l'armée française, un peu plus nombreuse mais n'ayant que 2 pièces d'artillerie, couronna les hauteurs de Sainte-Foy. Les Français, quoique fatigués par une marche pénible, par des chemins impraticables à travers les marais de la Suède, brûlaient du désir de venger leur défaite de l'année précédente. La soif du sang était bien ardente dans les poitrines d'ennemis qui attisaient depuis tant d'années les haines séculaires qu'ils avaient transportées de la vieille Europe sur le nouveau continent. Des 2 côtés, la bravoure était égale, et 15000 hommes des meilleures troupes du monde n'attendaient que l'ordre de leur chef pour ensanglanter de nouveau les mêmes plaines qui avaient déjà bu le sang de tant de valeureux soldats. Jules d'Aberville, qui s'était déjà distingué à la première bataille des plaines d'Abraham, faisait alors partie d'une des 5 compagnies commandées par le brave capitaine d'Aiguebelle, qui, sur l'ordre du général de Lévis, abandonnèrent d'abord le moulin de Dumont attaqué par des forces supérieures. Jules, blessé grièvement par un éclat d'obus qui lui avait cassé le bras gauche, refusa de céder aux instances de ses amis qui le pressaient instamment de faire panser une blessure dont le sang coulait avec abondance. Et se contentant d'un léger bandage avec son mouchoir, il chargea de nouveau, le bras en écharpe, à la tête de sa compagnie, lorsque le général, jugeant l'importance de s'emparer à tout prix d'un poste dont dépendait l'issue du combat, ordonna de reprendre l'offensive. Presque toute l'artillerie du général Murray était dirigée de manière à protéger cette position si importante lorsque les grenadiers français l'abordèrent de nouveau au pas de charge. Les boulets, la mitraille, décimaient leurs rangs, qu'ils reformaient à mesure avec autant d'ordre que dans une parade. Cette position fut prise et reprise plusieurs fois pendant cette mémorable bataille où chacun luttait de courage. Jules d'Aberville, le petit grenadier, comme l'appelaient ses soldats, emporté par son ardeur malgré sa blessure, s'était précipité l'épée à la main au milieu des ennemis qui lâchèrent prise un instant. Mais à peine les Français s'y étaient-ils établis que les Anglais, revenant à la charge, en plus grand nombre, s'emparèrent du moulin après un combat des plus sanglants. Les grenadiers français, mis un instant en désordre, se reformèrent de nouveau à une petite distance sous le feu de l'artillerie et d'une grêle de balles qui les criblait. Et abordant pour la 3e fois le moulin de Dumont à la baïonnette, ils s'en emparèrent après une lutte sanglante et s'y maintinrent. On aurait cru, pendant cette 3e charge, que tous les sentiments qui font aimer la vie étaient éteints dans l'âme du jeune d'Aberville, qui, le cœur ulcéré par l'amitié trahie, par la ruine totale de sa famille, paraissait implorer la mort comme un bienfait. Aussi, dès que l'ordre avait été donné de marcher en avant pour la 3e fois, bondissant comme un tigre et poussant le cri de guerre de sa famille « À moi, grenadier !», il s'était précipité seul sur les Anglais, qu'il avait attaqués comme un insensé. L'œuvre de carnage avait recommencé avec une nouvelle fureur, et lorsque les Français étaient restés maîtres de la position, ils avaient retiré Jules d'un monceau de morts et de blessés. Comme il donnait signe de vie, 2 grenadiers le portèrent sur les bords d'un petit ruisseau près du moulin où un peu d'eau fraîche lui fit reprendre connaissance. C'était plutôt la perte du sang qui avait causé la syncope que la grièveté de la blessure. Un coup de sabre qui avait fendu son casque avait coupé la chair sans fracturer l'os de la tête. Un soldat arrêta l'effusion du sang et dit à Jules, qui voulait retourner au combat, « Pas pour le petit quart d'heure, notre officier. Vous en avez votre suffisance pour le moment. Le soleil chauffe en diable sur la butte, ce qui est dangereux pour les blessures de tête. Nous allons vous porter à l'ombre de ce bois où vous trouverez des lurons qui ont aussi quelques égratignures. » D'Aberville, trop faible pour opposer aucune résistance, se trouva bien vite au milieu de nombreux blessés qui avaient eu assez de force pour se traîner jusqu'au bocage de sapin. Tout le monde connaît l'issue de la seconde bataille des plaines d'Abraham. La victoire fut achetée bien chèrement par les Français et les Canadiens, dont la perte fut aussi grande que celle de l'ennemi. Ce fut de la part des vainqueurs effusion inutile de sang. La Nouvelle-France, abandonnée de la mère patrie, fut cédée à l'Angleterre par le nonchalant Louis XV, 3 ans après cette glorieuse bataille qui aurait pu sauver la colonie. De Lochelle s'était vengé noblement des soupçons injurieux à sa loyauté que son ennemi, Montgomery, avait essayé d'inspirer aux officiers supérieurs de l'armée britannique. Ses connaissances étendues, le temps qu'il consacrait à l'étude de sa nouvelle profession, son aptitude à tous les exercices militaires, sa vigilance au poste qui lui était confié, sa sobriété, lui valurent d'abord l'estime générale. Et son bouillant courage, tempéré néanmoins par la prudence dans l'attaque des lignes françaises à Montmorency et sur le champ de bataille du 13 septembre 1759, fut remarqué par le général Murray, qui le combla publiquement de louanges. Lors de la déroute de l'armée anglaise à la seconde bataille des plaines d'Abraham, Archibald de Lochelle, après des prodiges de valeur à la tête de ses montagnards, fut le dernier à céder un terrain qu'il avait disputé pouce à pouce. Il se distingua encore par son sang-froid et sa présence d'esprit, en sauvant les débris de sa compagnie dans la retraite. Car, au lieu de suivre le torrent des fuyards vers la ville de Québec, il remarqua que le moulin de Dumont était évacué par les grenadiers français, occupés à la poursuite de leurs ennemis dont ils faisaient un grand carnage. Et profitant de cette circonstance pour dérober sa marche à l'ennemi, il défila entre cette position et le bois adjacent. Ce fut alors qu'il crut entendre prononcer son nom, et se détournant, il vit sortir du bosquet un officier, le bras en écharpe, la tête couverte d'un linge sanglant, l'uniforme en lambeaux, qui, l'épée à la main, s'avançait en chancelant vers lui. « Que faites-vous, brave Cameron de Lochelle ? » cria l'inconnu. « Le moulin est évacué par nos vaillants soldats. Il n'est pas même défendu par des femmes, des enfants et des vieillards infirmes. Retournez sur vos pas, valeureux Cameron. Il vous sera facile de l'incendier pour couronner vos exploits. » Il était impossible de se méprendre à la voix railleuse de Jules d'Aberville. Quoique son visage souillé de sang et de boue le rendît méconnaissable. Archer, à ces paroles insultantes, n'éprouva qu'un seul sentiment, celui d'une tendre compassion pour l'ami de sa jeunesse, pour celui qu'il désirait depuis si longtemps presser dans ses bras. Son cœur battit à se rompre, un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine, car il lui sembla entendre retentir de nouveau les paroles de la sorcière du domaine. « Garde ta pitié pour toi-même. Tu en auras besoin lorsque tu porteras dans tes bras le corps sanglant de celui que tu appelles maintenant ton frère. Je n'éprouve qu'une grande douleur, ô Archibald de Lochelle, c'est celle de ne pouvoir te maudire. Malheur, malheur, malheur !» Aussi Archer, sans égard à la position critique dans laquelle il se trouvait, à la responsabilité qui pesait sur lui pour le salut de ses soldats, fit faire halte à sa compagnie et s'avança au-devant de Jules, sa claymore dirigée vers la terre. Un instant, un seul instant, toute la tendresse du jeune Français pour son frère d'adoption sembla se réveiller en lui. Mais réprimant ce premier mouvement de sensibilité, il lui dit d'une voix creuse et empreinte d'amertume « Défendez-vous, monsieur de Lochelle. Vous aimez les triomphes faciles ? Défendez-vous, ah traître !» À cette nouvelle injure, Archer, se croisant les bras, se contenta de répondre de sa voix la plus affectueuse « Toi aussi, mon frère Jules, toi aussi tu m'as condamné sans m'entendre. » À ces paroles d'affectueux reproche, une forte secousse nerveuse acheva de paralyser le peu de force qui restait à Jules. L'épée lui échappa de la main et il tomba la face contre terre. Archer fit puiser de l'eau dans le ruisseau voisin par un de ses soldats et, sans s'occuper du danger auquel il s'exposait, il prit son ami dans ses bras et le porta sur la lisière du bois où plusieurs blessés, tant français que canadiens, touchés des soins que l'anglais donnait à leur jeune officier, n'eurent pas même l'idée de lui nuire, quoique plusieurs eussent rechargé leurs fusils. Archer, après avoir visité les blessures de son ami, jugea que la perte de sang était la seule cause de la syncope. En effet, l'eau glacée qu'il lui jeta au visage lui fit bien vite reprendre connaissance. Il ouvrit les yeux, les leva un instant sur Archer, mais ne proféra aucune parole. Celui-ci lui serra une main qui parut répondre par une légère pression. « Adieu, Jules, lui dit Archer. Adieu, mon frère. Le devoir impérieux m'oblige de te laisser. Nous reverrons tous deux de meilleurs jours. » Et il rejoignit en gémissant ses compagnons. « Maintenant, mes garçons, dit de Lauchel, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur la plaine, après avoir prêté l'oreille au bruit confus qui en sortait, « maintenant, mes garçons, point de fausse délicatesse. La bataille est perdue, sans ressources. Montrons à présent l'agilité de nos jambes de montagnards si nous voulons avoir la chance d'assister à d'autres combats. En avant, donc, et ne me perdez pas de vue. » Profitant alors, avec une rare sagacité, de tous les accidents de terrain, prêtant l'oreille de temps en temps aux cris des Français acharnés à la poursuite des Anglais qu'ils voulaient refouler sur la rivière Saint-Charles, de Lauchel eut le bonheur de rentrer dans la ville de Québec sans avoir perdu un seul homme de plus. Cette vaillante compagnie avait déjà assez souffert. La moitié était restée sur le champ de bataille, et de tous les officiers et sous-officiers, de Lauchel était le seul survivant. Honneur au courage malheureux, honneur aux mânes des soldats anglais dont les corps furent enterrés pêle-mêle avec ceux de leurs ennemis le 28 avril 1760. Honneur à ceux dont on voit encore les monceaux d'ossements reposer en paix près du moulin de Dumont dans un embrasement éternel. Ces soldats auront-ils oublié leurs haines invétérées pendant ce long sommeil, ou seront-ils prêts à s'entr'égorger de nouveau lorsque la trompette du jugement dernier sonnera le dernier appel de l'homme de guerre sur la vallée de Josaphat? Honneur à la mémoire des guerriers français dont les plaines d'Abraham recouvrent les corps sur le sinistre champ de bataille de l'année précédente. Auront-ils mémoire, après un si long sommeil, de leur dernière lutte pour défendre le sol de leur patrie, passée sous le joug de l'étranger? Chercheront-ils, en s'éveillant, leurs armes pour reconquérir cette terre que leur courage trahi n'a pu conserver? Les héros chantés par les poètes de la mythologie conservaient leur passion haineuse dans les Champs-Élysées. Les héros chrétiens pardonnent en mourant à leurs ennemis. Honneur au courage malheureux. Si les hommes qui fêtent l'anniversaire d'une grande victoire glorieusement disputée avaient dans l'âme une parcelle de sentiments généreux, ils appendraient au brillant pavillon national un drapeau à la couleur sombre avec cette légende. Honneur au courage malheureux. Parmi les guerriers célèbres dont l'histoire fait mention, un seul, le lendemain d'une victoire mémorable, se découvrit avec respect devant les captifs en présence de son nombreux état-major et prononça ces paroles dignes d'une grande âme. « Honneur, messieurs, au courage malheureux !» Il voulait sans doute que les Français, dans leur triomphe futur, fissent la part de gloire aux vaincus qui en étaient dignes. Il savait que chacune de ces paroles resterait à jamais gravée sur le marbre de l'histoire. Les grands guerriers sont nombreux, la nature avare prend des siècles pour enfanter un héros. Le champ de bataille offrait un bien lugubre spectacle après la victoire des Français. Le sang, l'eau et la boue adhéraient aux vêtements, aux cheveux, au visage même des morts et des blessés, étendus çà et là sur un lit de glace. Il fallait de pénibles efforts pour les dégager. Le chevalier de Lévis fit prendre le plus grand soin des blessés des deux nations, dont le plus grand nombre fut transporté au couvent des dames hospitalières de l'hôpital général. L'hospice et ses dépendances furent encombrés de malades. Tout le linge de la maison fut déchiré pour les pansements. Il ne resta aux bonnes religieuses que les habits qu'elles portaient sur elles le jour de la bataille. Toujours altérées de charité chrétienne, elles eurent une rare occasion de se livrer au pénible devoir que cette charité impose à celles qui, en prononçant leurs vœux, en ont fait un culte et une profession. Le général Murray, rentré après sa défaite dans la cité de Québec, qu'il avait fortifiée d'une manière formidable, opposait une vigoureuse résistance au chevalier de Lévis, lequel n'avait d'autre matériel de siège que 20 bouches à feu pour armer ses batteries. C'était plutôt un blocus qu'un siège régulier, que les Français prolongeaient en attendant des secours qu'ils ne reçurent jamais de la mère patrie. Le chevalier de Lévis, qui avait à cœur de montrer les soins qu'il donnait aux blessés ennemis, s'était prêté de la meilleure grâce du monde à la demande du général anglais d'envoyer 3 fois par semaine un de ses officiers visiter les malades de sa nation transportés à l'hôpital général. De Lochelle savait que son ami devait être dans cet hospice avec les officiers des deux nations, mais il n'en avait reçu aucune nouvelle. Quoique dévoré d'inquiétude, il s'était abstenu de s'en informer pour ne point donner prise à la malveillance dans la fausse position où ses anciennes relations avec les Canadiens l'avaient mis. Il était cependant naturel qu'il désirât rendre visite à ses compatriotes. Mais, avec la circonspection d'un Écossais, il n'en fit rien paraître. Et ce ne fut que le 10e jour après la bataille, lorsque son tour vint naturellement, qu'il se rendit à l'hospice, escorté d'un officier français. La conversation entre les deux jeunes gens ne tarit pas pendant la route. « Je ne sais, dit à la fin de Lochelle, si ce serait une indiscrétion de ma part de vous demander à parler privément à la supérieure de l'hospice. »« Je n'y vois pas d'indiscrétion, répondit le français, mais je crains, moi, d'enfreindre mes ordres en vous le permettant. Il m'est ordonné de vous conduire près de vos compatriotes, et rien de plus. » « J'en suis fâché, dit l'Écossais, d'un air indifférent. Ça sera un peu contrariant pour moi, mais n'en parlons plus. » L'officier français garda le silence pendant quelques minutes et se dit à part lui que son interlocuteur, parlant la langue française comme un Parisien, avait probablement lié connaissance avec quelques familles canadiennes enfermées dans les murs de Québec, qu'il était peut-être chargé de quelques messages de parents ou d'amis de la supérieure et qu'il serait cruel de refuser sa demande. Il reprit donc, après un moment de silence, « Comme je suis persuadé que ni vous ni madame la supérieure n'avez dessein de faire sauter nos batteries, je ne crois pas après tout manquer à mon devoir en vous accordant l'entretien secret que vous demandez. » De Lochelle, qui comptait sur cette entrevue pour opérer une réconciliation avec son ami, eut peine à réprimer un mouvement de joie et répondit cependant d'un ton d'indifférence « Merci, monsieur, de votre courtoisie envers moi et cette bonne dame. Vos batteries, protégées par la valeur française, ajouta-t-il en souriant, sont en parfaite sûreté, lors même que nous aurions de mauvais desseins. » Les passages de l'hospice qu'il fallait franchir avant de pénétrer dans le parloir de la supérieure étaient littéralement encombrés de blessés. Mais Archer, n'y voyant aucun de ses compatriotes, se hâta de passer outre. Après avoir sonné, il se promena de long en large dans ce même parloir où la bonne supérieure, tante de Jules, leur faisait jadis servir la collation, dans les fréquentes visites qu'il faisait au couvent avec son ami pendant son long séjour au collège des Jésuites, à Québec. La supérieure l'accueillit avec une politesse froide et lui dit « Bien fâché de vous avoir fait attendre. Prenez, s'il vous plaît, un siège, monsieur. » « Je crains, dit Archer, que madame la supérieure ne me reconnaisse pas. » « 1000 pardons, répliqua la supérieure. Vous êtes monsieur Archibald Cameron of Lochelle. » « Vous m'appeliez autrefois Archer, fit le jeune homme. « Les temps sont bien changés, monsieur de Lochelle, répliqua la religieuse. « Et il s'est passé bien des événements depuis. » De Lochelle fit écho à ces paroles et répéta en soupirant « Les temps sont bien changés et il s'est passé bien des événements depuis. « Mais au moins, madame, comment se porte mon frère, Jules d'Aberville ?»« Celui que vous appeliez autrefois votre frère, monsieur de Lochelle, est maintenant, je l'espère, hors de danger. » « Dieu soit loué, reprit de Lochelle, toute espérance n'est pas maintenant éteinte dans mon cœur. Si je m'adressais à une personne ordinaire, il ne me resterait plus qu'à me retirer après avoir remercié madame la supérieure de l'entrevue qu'elle a daigné m'accorder. Mais j'ai l'honneur de parler à la sœur d'un brave soldat, à l'héritière d'un nom illustré dans l'histoire par de hauts faits d'armes, par les nobles actions d'une dame d'Aberville. Et si madame veut le permettre, si madame veut oublier un instant les liens de tendre affection qui l'attachent à sa famille, si madame la supérieure veut se poser en juge impartial entre moi et une famille qui lui serait étrangère, j'oserais alors entamer une justification avec espoir de réussite. « Parlez, monsieur de Lochelle, répartit la supérieure. « Parlez, je vous écoute, non comme une d'Aberville, mais comme une parfaite étrangère à ce nom. C'est mon devoir, comme chrétienne, de le faire. » C'est mon désir d'écouter avec impartialité tout ce qui pourrait pallier votre conduite cruelle et barbare envers une famille qui vous aimait tant. » Une rougeur subite suivie d'une pâleur cadavéreuse, empreinte sur les traits du jeune homme, fit croire à la supérieure qu'il allait s'évanouir. Il saisit des deux mains la grille qui le séparait de son interlocutrice, s'y appuya la tête pendant quelques instants. Puis, maîtrisant son émotion, il fit le récit que le lecteur connaît déjà par les chapitres précédents. Archer entra dans les détails les plus minutieux. Il raconta ses regrets d'avoir pris du service dans l'armée anglaise, lorsqu'il apprit que son régiment devait faire partie de l'expédition dirigée contre le Canada. Il parla de la haine héréditaire des Montgomery contre les Cameron of Lochell. Il représenta le major acharné à sa perte, épiant toutes ses actions pour y réussir. Il s'accusa de lâcheté de n'avoir pas sacrifié l'honneur même à la reconnaissance qu'il devait à la famille qu'il avait adaptée dans son exil. Il n'omit rien, il raconta la scène chez le vieillard de Sainte-Anne, son humanité en faisant prévenir d'avance les malheureuses familles canadiennes du sort qui les menaçait, ses angoisses, son désespoir sur la côte de Port-Joli avant d'incendier le manoir seigneurial, ses prières inutiles pour fléchir son ennemi le plus cruel, ses imprécations, ses projets de vengeance contre Montgomery, à la fontaine du promontoire, après avoir accompli l'acte barbare de destruction, son désespoir à la vue des ruines fumantes qu'il avait faites, sa capture par les Abénakis, ses réflexions amères, son retour à Dieu qu'il avait si grièvement offensé en se livrant à tous les mouvements de haine et de rage que le désespoir peut inspirer. Il raconta la scène sur les plaines d'Abraham, ses angoisses dévorantes à la vue de Jules qui pouvait avoir reçu des blessures mortelles. Il n'omit rien et n'ajouta rien à sa défense. En mettant à nu les émotions cruelles de son âme, en peignant l'orage des passions qui avaient grondé dans son sein pendant ces fatales journées, de Lochell n'avait rien à ajouter pour sa justification devant un tel juge. Quel plaidoyer pouvait être en effet plus éloquent que le récit fidèle de tout ce qui avait agité son âme? Quel plaidoyer plus éloquent que le récit simple et sans fard des mouvements d'indignation qui torturent une grande âme, obligée d'exécuter les ordres cruels d'un chef féroce, mort à tout sentiment d'humanité? De Lochell, sans même s'en douter, était sublime d'éloquence, en plaidant sa cause devant cette noble dame, qui était à la hauteur de ses sentiments. Elle était bien à la hauteur de ses sentiments, celle qui avait dit un jour à son frère, le capitaine d'Aberville, « Mon frère, vous n'avez pas déjà trop de bien pour soutenir dignement l'honneur de notre maison, sans partager avec moi le patrimoine de mon père. J'entre demain dans un couvent, et voici l'acte de renonciation que j'ai fait en votre faveur. » La bonne supérieure l'avait écoutée avec une émotion toujours croissante. Elle joignit les mains et les tendit suppliantes vers le jeune Écossais. Lorsqu'il répéta ses malédictions, ses imprécations, ses projets de vengeance contre Montgomery, les larmes coulèrent abondamment de ses yeux lorsque de Lochell, prisonnier des sauvages et voué à une mort atroce, rentra en lui-même, se courba sous la main de Dieu et se prépara à la mort d'un chrétien repentant. Et elle éleva ses mains vers le ciel pour lui témoigner sa reconnaissance. « Mon cher Archer, dit la sainte femme. « Ah, merci, cent fois merci, madame, de ces bonnes paroles !» s'écria de Lochell en joignant les mains. « Mon cher Archer, reprit la religieuse, je vous absous, moi, de tout mon cœur. Vous avez rempli les devoirs souvent pénibles du soldat en exécutant les ordres de votre supérieur. Votre dévouement à notre famille vous eût perdu sans ressources, sans empêcher la ruine de mon frère. Oui, je vous absous, moi, mais j'espère que vous pardonnerez maintenant de même à votre ennemi. Mon ennemi, madame, ou plutôt celui qui le fut jadis, a eu à solliciter son pardon de celui qui nous jugera tous. Il se déroba à un des premiers par la fuite au champ de bataille qui nous a été si funeste. Un coup de feu l'étendit blessé à mort sur un monceau de glace. Il n'a pas même eu une pierre pour y appuyer sa tête. Le tomahawk a mis fin à ses souffrances, et sa chevelure sanglante pend maintenant à la ceinture d'un Abénakis. « Que Dieu lui pardonne, » continua Archer en élevant les mains, « comme je le fais du plus profond de mon cœur. » Un rayon de joie illumina le visage de la supérieure. Née vindicative comme son frère, le capitaine d'Aberville, une religion toute d'amour et de charité, en domptant chez elle la nature, n'avait laissé dans son cœur qu'amour et charité envers tous les hommes. Elle parut prier pendant un instant et reprit ensuite « J'ai tout lieu de croire qu'il sera facile de vous réconcilier avec Jules. Il a été aux portes de la mort. Et pendant son délire, il prononçait sans cesse votre nom, parfois en vous apostrophant d'une voix menaçante, vous adressant les reproches les plus sanglants, mais le plus souvent paraissant converser avec vous de la manière la plus affectueuse. Il faut connaître mon neveu pour juger du culte qu'il vous portait. Il faut connaître cette belle âme, toute d'abnégation, pour comprendre son amour pour vous et ce qu'il aurait été capable d'entreprendre afin de vous le prouver. Combien de fois m'a-t-il dit « J'aime les hommes, je suis toujours prêt à leur rendre service. Mais s'il fallait demain faire à mon frère Archer le sacrifice de ma vie, je mourrais, le sourire sur les lèvres, car je lui aurais donné la seule preuve de mon affection qui fût digne de lui. De pareils sentiments ne s'éteignent pas soudain dans un noble cœur comme celui de mon neveu, sans des efforts surhumains. Il sera heureux, au contraire, d'entendre votre justification de ma bouche. Et soyez sûr, mon cher Archer, que je n'épargnerai rien de ce qui pourra amener une réconciliation avec votre frère. Il n'a jamais prononcé votre nom depuis sa convalescence, et comme il est encore trop faible pour l'entretenir d'un sujet qui pourrait lui causer une émotion dangereuse, j'attendrai qu'il ait repris plus de force. Et j'espère vous donner de bonnes nouvelles à notre prochaine entrevue. En attendant, adieu jusqu'au revoir. Des devoirs indispensables m'obligent de vous quitter. « Priez pour moi, madame, j'en ai besoin, » dit Archer. « C'est ce que je fais tous les jours, » repartit la religieuse. « On dit peut-être à tort que les gens du monde ont plus besoin de prières que nous, et surtout les jeunes officiers. Quant à vous, de Lochelle, vous auriez donc bien changé si vous n'êtes pas de ceux qui en ont le moins besoin, » ajouta la supérieure en souriant avec bonté. « Adieu, encore une fois, que le bon Dieu vous bénisse, mon fils. » Ce ne fut que 15 jours après cette visite que de Lochelle se présenta de nouveau à l'hospice où Jules, que la supérieure avait satisfait par les explications qu'elle lui avait données, l'attendait avec une anxiété nerveuse pour lui prouver qu'il n'éprouvait aucun autre sentiment que celui de l'affection dont il lui avait jadis donné tant de preuves. On convint de ne faire aucune allusion à certains événements comme sujet d'entretien trop pénible pour tous deux. Lorsque de Lochelle entra dans la petite chambre qu'occupait Jules en sa qualité de neveu de la supérieure, par préférence à d'autres officiers de plus haut grade, Jules lui tendit les bras et fit un effort inutile pour se lever du fauteuil où il était assis. Archer se jeta dans ses bras et ils furent longtemps tous deux sans prononcer une parole. D'Aberville, après un grand effort pour maîtriser son émotion, rompit le premier le silence. « Les moments sont précieux, mon cher Archer. Il m'importe beaucoup de soulever, s'il est possible, le voile de l'avenir. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des soldats, combattants sous de glorieux étendards, frères d'affection, mes ennemis sur les champs de bataille. J'ai vieilli 10 ans pendant ma maladie. Je ne suis plus ce jeune fou au cœur brisé qui se ruait sur les bataillons ennemis en implorant la mort. Non, mon cher frère, vivons plutôt pour voir de meilleurs jours. Ce sont là tes dernières paroles lorsque tu confiais mon corps sanglant aux soins de mes grenadiers. Ce sont là tes dernières paroles, et elles me font espérer des temps plus heureux pour ceux qui n'ont jamais cessé d'être frères par le sentiment. Tu connais comme moi, continua Jules, l'état précaire de cette colonie. Tout dépend d'un coup de dé. Si la France nous abandonne à nos propres ressources, comme il y a tout lieu de le croire, et si d'un autre côté vos ministres, qui attachent un si grand prix à la conquête de cette contrée, vous envoient du secours au printemps, il faudra de toute nécessité lever le siège de Québec et vous abandonner finalement le Canada. Dans l'hypothèse contraire, nous reprenons Québec et nous conservons la colonie. Maintenant, mon cher Archer, il m'importe de savoir ce que tu feras dans l'une ou l'autre des deux éventualités. Dans l'un ou l'autre cas, dit de Lochelle, je ne puis, avec honneur, me retirer de l'armée tant que la guerre durera. Mais, advenant la paix, je me propose de vendre les débris de mon patrimoine d'Écosse, d'acheter des terres en Amérique et de m'y fixer. Mes plus chères affections sont ici. J'aime le Canada, j'aime les mœurs douces et honnêtes de vos bons habitants. Et, après une vie paisible mais laborieuse, je reposerai du moins ma tête sur le même sol que toi, mon frère Jules. « Ma position est bien différente de la tienne, » répliqua Jules. « Tu es le maître absolu de toutes tes actions. Moi, je suis l'esclave des circonstances. Si nous perdons le Canada, il est tout probable que la majorité de la noblesse canadienne émigrera en France, où elle trouvera amis et protection. Si ma famille est de ce nombre, je ne puis quitter l'armée. Dans le cas contraire, je reviendrai, après quelques années de service, vivre et mourir avec mes parents et mes amis, et comme toi, reposer ma tête sous cette terre que j'aime tant. Tout me fait espérer, mon frère, qu'après une vie très agitée dans notre jeunesse, nous verrons plus tard de meilleurs jours. » Les deux amis se séparèrent, après un long et affectueux entretien, le dernier qu'ils eurent dans cette colonie que l'on appelait encore la Nouvelle-France. Lorsque le lecteur les y retrouve, après quelques années, elle aura changé de nom et de maître. Fin de la section 14.